alors que les deux chasseurs sont en train de savourer des côtelettes d'antilope grillées, un coup de fusil retentit dans l'air. Hein? Fit Joe. Ma carabine, je reconnais sa détonation. Un signal. Un danger pour nous. Pour lui peut-être, répliqua Joe. En route. Les chasseurs avaient rapidement ramassé le produit de leur chasse. Ils reprirent leur chemin en se guidant sur des brisées que Kennedy avait faites. L'épaisseur du fourré les empêchait d'apercevoir le Victoria, dont ils ne pouvaient être bien éloignés. Un second coup de feu se fit entendre. Ils coururent à toutes jambes. En effet, à 2 miles de là, une trentaine d'individus se pressaient en gesticulant au pied du sycomore. Le danger semblait imminent. Un nouveau coup de fusil partit de la nacelle. Un corps sans vie tomba de branche en branche. « Ah ! Monsieur Kennedy !» s'écria Joe. « Ce ne sont que des singes !»« Ça va encore mieux que des hommes !» répliqua Kennedy en se précipitant au milieu de la bande hurlante. C'était une troupe de cynocéphales assez redoutables, féroces et brutaux, horribles à voir avec leurs museaux de chien. Quelques minutes après, le Victoria se levait dans l'air et se dirigeait vers l'est sous l'impulsion d'un vent modéré. Il était alors 4 heures du soir. Vers 7 heures, le Victoria planait sur le bassin de Kanyemé. Le docteur reconnut aussitôt ces villages où bêtes et gens vivent tous ensemble dans des huttes rondes, sans charpente et qui ressemblent à des meules de foin. Après Kanyemé, le terrain devint aride et rocailleux. Le vent tombait avec le jour et l'atmosphère semblait s'endormir. Le docteur chercha vainement un courant à différentes hauteurs. En voyant ce calme de la nature, il résolut de passer la nuit dans les airs. Et pour plus de sûreté, il s'éleva 2 000 pieds environ. Le Victoria demeurait immobile. La nuit, magnifiquement étoilée, se fit en silence. La nuit fut froide. Il y eut jusqu'à 14 degrés Celsius de différence entre sa température et celle du jour. Avec les ténèbres, avait éclaté le concert nocturne des animaux que la soif et la faim chassent de leurs repères. Les grenouilles firent retentir leur voix de soprano, doublée du glapissement des chacals, pendant que la basse imposante des lions soutenait les accords de cet orchestre vivant. Vers 7 heures, une roche ronde de près de 2 000 d'étendue apparut comme une immense carapace. « Nous sommes en bon chemin, » dit docteur Ferguson. « Voilà Jiuilamkoa, où nous allons faire halte pendant quelques instants. Je vais renouveler la provision d'eau nécessaire à l'alimentation de mon chalumeau. » Le ballon, perdant peu à peu de sa force ascensionnelle, s'approcha de terre. Les ancres coururent, la patte de l'une d'elles s'engagea dans une fissure de rocher et le Victoria demeura immobile. L'eau fut embarquée sans difficulté et le Victoria reprit la route des airs. Il se trouvait alors à une centaine de milles de Kazé. Vers 2 heures, par un temps magnifique, sous un soleil de feu qui dévorait le moindre courant d'air, le Victoria planait au-dessus de la ville de Kazé, située à 350 milles de la côte. Nous sommes partis de Zanzibar à 9 heures du matin, docteur Ferguson, en consultant ses notes. Et, après 2 jours de traversée, nous avons parcouru par nos déviations près de 800 kilomètres. Les capitaines Burton et Speke mirent 4 mois et demi à faire le même chemin.